Pour marquer le 400e anniversaire de la mort de William Shakespeare, 1616, voici, en 35 minutes environ, de larges extraits reliés par des résumés de sa comédie « Le Marchand de Venise », écrite en 1596-1597. La traduction française de François-Marie Hugo, un des fils du grand écrivain, date du milieu du XIXe siècle. Choix des extraits, résumés et enregistrements de Jean-Paul Alexis, mars 2016.